te prête. Si tu s'avances, il vient sécher nos pleurs. Déjà la foule à la clavie s'apprête. Peuple, liberté perdue. L'humanité donne à chacun ses droits, et la lumière est à chacun rendue. Peuple, chantez, chantez en chœur, que votre voix à notre voix réponde aux hommes. Gloire au Seigneur, bénisse lui qui vient sauver à moi. La délivrance par charité, le Dieu de Bethléem, avec la foi apporte l'espérance. Appelle à chanter, chanter ton cœur, fais votre voix à notre voix, réponde au son. Gloire au Seigneur, bénisse lui qui vient sauver l'amour.